Il se ferra lui-même, et les matelots halèrent le monstrueux squale à l'extrémité de la grande vergue. Une corde, munie d'un nœud coulant, saisit par la queue et paralysa ses mouvements. Un des marais s'approcha de lui, non sans précaution, et d'un coup de hache porté avec vigueur, il trancha la formidable queue de l'animal. La pêche était terminée. Lady Glenarvan ne voulut pas assister à la répugnante exploration qui allait suivre. Bientôt, l'énorme poisson fut éventré à coup de hache. L'attention du maître d'équipage fut attirée par un objet grossier, solidement engagé dans l'un des viscères. « Quoi ? » s'écria Lord Glenarvan. « C'est une bouteille que ce requin a à l'estomac ?»« Une véritable bouteille ?» répondit Tom Austin, le maître d'équipage. « Eh bien, Tom, retirez-la avec précaution. Les bouteilles trouvées en mer renferment souvent des documents précieux. » Tom obéit. La bouteille fut examinée à l'extérieur. Cette épave avait déjà fait un long séjour dans l'océan avant d'aller s'engloutir dans le ventre d'un requin. Bientôt, le bouchon apparut, mais fort endommagé par l'eau de mer. Circonstance fâcheuse, dit Glenarvan, car s'il se trouve là quelques papiers, il sera en fort mauvais état. En ce moment, Glenarvan enlevait le bouchon avec le plus grand soin. « Je ne me trompais pas, dit-il, il y a là des papiers, mais il est impossible de les retirer, car ils adhèrent aux parois de la bouteille. » Lord Glenarvan se décida donc à briser le goulot de la précieuse bouteille. Ses débris tombèrent sur la table et l'on aperçut plusieurs fragments de papier adhérents les uns aux autres. Glenarvan les retira avec précaution, les sépara et les étala devant ses yeux, pendant que Lady Helena, le major et le capitaine, se pressaient autour de lui.